Pages arrachées à Simone de Beauvoir. Texte choisi par Christine Spianti. Quatrième épisode. La force des choses. 1. Je ne préméditais pas d'écrire un livre sur l'Amérique, mais je voulais la voir bien. Je connaissais sa littérature, et malgré mon accent consternant, je parlais anglais couramment. J'avais là-bas quelques amis, Stéphane, Fernand, Lise. Sartre m'indiqua des adresses. Enfin, je m'envolais. 25 janvier 1947. Quelque chose est en train d'arriver. On peut compter dans une vie les minutes où quelque chose arrive. Des pinceaux de lumière balaient le terrain au bruit des feux rouges et verts. C'est un soir de gala, une fête de nuit, ma fête. Quelque chose arrive. Les hélices tournent de plus en plus vite, les moteurs s'emballent, mon cœur ne peut pas les suivre. D'un seul coup, les balises rouges s'écrasent contre la terre. Au loin, les lumières de Paris vacillent, sobres étoiles qui montent d'un habit bleu sombre. Voilà, c'est arrivé, je vole vers New York. C'est vrai. Le vol tranquille de l'avion est déjà une promesse. Déjà, je me suis échappée. La terre a glissé au fond d'un éther étranger. Je ne suis plus nulle part, je suis ailleurs. Et quelle heure est-il? En quelle saison sommes-nous? C'est l'été aux Açores, à l'ombre des grands chapeaux de paille. Le sol de Terre-Neuve est couvert de neige et de verglas. Il est 8 heures à Paris et 2 heures à New York. Le temps s'embrouille avec l'espace. Mes rêves sont moins extravagants que cette grande aile à laquelle je suis attachée et qui plane immobile entre les nuages et les étoiles. J'ai dormi, j'ouvre les yeux. Sur le ciel noir qui tapisse l'abîme, éclate brusquement un feu d'artifice horizontal et fixe. Des étoiles, des réseaux, des cercles, des gerbes de lumière multicolores. De l'eau tremble entre les girandoles brillantes. « Boston », dit l'hôtesse de l'air. J'ai fermé les yeux. Quand je les ouvre à nouveau, toutes les étoiles du ciel ont roulé sur la terre. C'est un scintillement de pierreries et d'escarboucles, de fruits de rubis, des fleurs de topaz et des rivières de diamants. Je n'ai connu que dans l'enfance un tel éblouissement et une telle passion de désir. Cette branche de buis où étaient suspendus des colliers, des bracelets, des grappes de bonbons transparents et glacés, et que j'ai tant convoité un dimanche des rameaux, elle est là. J'attacherai à mon cou, à mes poignets, ces bijoux de sucre. J'en ferai craquer le cristal entre mes dents. J'en écraserai contre mon palais le chiffre brillant. Et j'aurai sur la langue un goût de cassis et d'ananas. L'avion descend. Il tangue. Ma voisine murmure. Le moteur fait un drôle de bruit. Nous tournons, penchés sur une aile, et je pense très vite. Je ne veux pas mourir. Pas maintenant. Je ne veux pas que les lumières s'éteignent. Je sens le choc des roues qui touchent la piste. Nous attendions notre tour, simplement. À chaque minute, il y a un avion qui se pose sur l'aérodrome de LaGuardia. Quand vous passerez à Chicago, allez voir Algren de ma part, m'avait dit à New York Nellie Benson, une jeune intellectuelle chez qui j'avais dîné. C'est un homme étonnant, un grand ami à moi. L'Amérique au jour le jour, journal de voyage, 21 février 1947. Ce soir, j'ai dérangé un inconnu pour qu'il me fasse passer une soirée intéressante. C'est indiscret. Et je cours aussi le risque de m'ennuyer. Je ne me sens pas bonne mine quand je descends dans le lobby, tenant à la main un livre en signe de ralliement, comme si je m'amenais à une entrevue de mariage organisée par le club du Liseré Vert. Assise en face de Nelson Algren, dans un petit bar silencieux, je perds la moitié de ses propos. J'ai l'impression qu'il n'a pas moins de difficultés que moi. Il hésite sur ce qu'il veut me montrer de Chicago. Il peut me donner un aperçu des bas-fonds de Chicago. Il les connaît bien. J'accepte. Il m'emmène sur West Madison Avenue. Il fait très froid. La chaussée est presque déserte. Cependant, il y a quelques hommes au visage de naufragés qui se cachent dans l'ombre des portes et qui rôdent sur les trottoirs verglacés. Nous entrons dans un bar. Nelson Algren n'est pas touriste, il vient ici souvent, il connaît tous ces gens. Au fond de la salle, il y a un petit orchestre noir. On lit sur une pancarte « Défense absolue de danser », mais des couples dansent. Au bar est assise une femme aux longs cheveux fins et frisés, ornée d'un grand ruban rouge. Un ivrogne endormi à une table se réveille, il saisit à bras-le-corps une grosse commère en haillons, et les voilà qui gambadent. Il danse avec un déchaînement joyeux qui touche à la folie et à l'extase. Si laid, si vieux, si misérable, pendant un instant ils sont perdus, ils sont heureux. Je me sens étourdie, j'écarquille les yeux et je dis « It is beautiful ». Cette épithète étonne Nelson Algren. Elle lui paraît singulièrement française. Chez nous, le beau et le laid, le grotesque et le tragique, comme aussi le mal et le bien, s'en vont chacun de son côté. Les Américains n'aiment pas penser que ces extrêmes puissent se mélanger. Satisfait que cet endroit me semble fascinant, il me propose de me montrer mieux. En un sens, en effet, c'est mieux. Ici, il n'y a que des hommes. Les hommes de West Madison, au visage de réprouvés ou d'idiots, si sales qu'on pense que leurs os mêmes sont gris, et répandant autour d'eux une affreuse odeur de misère. À 1h du matin, ils commencent à affluer, cherchant un abri contre la neige et la glace nocturne. Il y en a qui s'approchent du comptoir, serrant quelques nickels dans la paume de leurs mains. C'est de la bière qu'ils boivent. D'autres essaient de nous vendre une paire de ciseaux, des crayons, en mendiant 50 cents. Une blonde aux cheveux oxygénés tire la caisse. Tout ce que je sais sur la littérature française moderne, c'est grâce à elle. Elle est très au courant. La femme m'explique qu'à l'étage supérieur, il y a une grande salle avec des paillasses où on peut s'étendre jusqu'au matin pour 10 cents. Venez voir, me dit-elle. Je vois. Assis sur des bancs, roulé en boule sur des tables, recroquevillés dans des coins, des hommes, et des hommes qui dorment, la mâchoire pendante, dans leur crasse et dans leur vermine. En revenant par des avenues froides, sous le noir plafond du métro aérien, je me dis que jamais la misère ne m'a paru si horrible qu'à New York ou Chicago. Ici, les pauvres sont des maudits. C'est la grande malédiction des hommes seuls. Ils n'ont ni foyer, ni famille, ni amis, aucune place sur terre. Ils ne sont que déchets, une écume inutile qu'on considère sans pitié. Car pourquoi en sont-ils venus là? L'optimisme universel les rend suspects. Il faut qu'il y ait de leur faute. J'ai raconté, très inexactement, cette histoire dans Les Mandarins. Nelson Algren possédait ce don, rare entre tous, que j'appellerais la bonté, si ce mot n'avait pas été si malmené. Disons, un vrai souci des hommes. Je lui dis, avant de le quitter, que ma vie était faite en France, pour toujours. Il me crut, sans rien y comprendre. Je dis aussi que nous nous reverrions, mais nous ne savions ni quand, ni comment, et j'arrivais à Paris, chavirée. À Nelson Algren, à bord de la KLM, samedi après-midi, Terre-Neuve, 17 mai 1947. Mon gentil, merveilleux, je venais de m'installer dans l'avion. J'ai ouvert votre livre. Ça m'a donné envie de voir votre écriture. J'ai regardé la première page en regrettant de ne pas vous avoir demandé d'y écrire quelque chose. Et voilà qu'elles étaient là, vos tendres, aimantes et belles lignes. J'ai appuyé mon front sur le hublot et j'ai pleuré au-dessus de la mer bleue, mais de douces larmes, les larmes de l'amour, de notre amour. Au-dessus de Terre-Neuve, le soir tombait déjà, alors qu'à New York, il n'était que 15 heures. L'île est fort belle, tout en pin sombre et en lac mélancolique, avec ça et là une touche de neige, vous l'aimeriez aussi. Où êtes-vous en ce moment précis? Peut-être dans un autre avion. Quand vous regagnerez notre petit foyer, je serai là, caché sous le lit et partout. Désormais, je serai toujours avec vous, dans les rues tristes de Chicago, sous le métro aérien, dans la chambre solitaire. Je serai avec vous comme une épouse aimante avec son mari bien-aimé. Nous n'aurons pas de réveil, car ce n'est pas un rêve. C'est une merveilleuse histoire réelle qui ne fait que commencer. Au mois de juin 1949, j'endossais le manteau blanc que j'avais porté 2 ans plus tôt à Chicago. Et j'allais chercher Algren à la gare Saint-Lazare, à l'arrivée du train transatlantique. Algren désirait connaître le vieux monde. Nous prîmes l'avion pour Rome. Le mois de septembre à Paris fut magnifique. Jamais nous ne nous étions mieux entendus. L'année suivante, j'irai à Chicago. J'étais sûre, en quittant Algren, de le retrouver. Pourtant, j'avais le cœur dans un étau quand je l'accompagnais à Orly. Il passa le portillon de la douane, il disparut. Ça semblait si impossible que tout devenait possible, même et surtout de ne plus le revoir jamais. Je regagnais Paris en taxi. Les lumières rouges au sommet des pylônes me présageaient un affreux malheur. J'avais dû me tromper. La première lettre d'Algren débordait de gaieté. À l'escale de Grinder, un magazine lui avait appris qu'il avait reçu le prix Pulitzer. À Nelson Algren, mercredi 19 novembre 1949. Mon homme au cerveau d'or. Merci pour le livre doré produit d'une main dorée. C'est toujours doux de contempler le mot amour sur du papier ou dans vos yeux, chérie. Le premier tome du deuxième sexe fut publié en juin. En novembre, le second volume sortit chez Gallimard. On ne naît pas femme, on le devient. Aucun destin biologique, psychique, économique ne définit la figure que revêt au sein de la société la femelle humaine. C'est l'ensemble de la civilisation qui élabore ce produit, intermédiaire entre le mâle et le castrat, qu'on qualifie de féminin. Seule la médiation d'autrui peut constituer un individu comme un autre. La femme libre est seulement en train de naître. Quand elle se sera conquise, peut-être justifiera-t-elle la prophétie de Rimbaud. Les poètes seront. Quand sera brisé l'infini servage de la femme, quand elle vivra pour et par elle, l'homme jusqu'ici abominable lui ayant donné son renvoi, elle sera poète, elle aussi. La femme trouvera l'inconnu. Ces mondes d'idées différeront-ils des nôtres ? Elle trouvera des choses étranges, insondables, repoussantes, délicieuses. Nous les prendrons, nous les comprendrons. Lettre à Pierre de Mény, 15 mai 1871. Affranchir la femme, c'est refuser de l'enfermer dans les rapports qu'elle soutient avec l'homme, mais non les nier. Qu'elle se pose pour soi, elle n'en continuera pas moins à exister aussi pour lui. Se reconnaissant mutuellement comme sujet, chacun demeurera cependant pour l'autre un autre. La réciprocité de leur relation ne supprimera pas les miracles qu'engendre la division des êtres humains en 2 catégories séparées. Le désir, la possession, l'amour, le rêve, l'aventure et les mots qui nous émeuvent, donner, conquérir, s'unir, garderont leur sens. Le rapport immédiat, naturel, nécessaire de l'homme à l'homme est le rapport de l'homme à la femme, a dit Marx. On ne saurait mieux dire. C'est au sein du monde donné qu'il appartient à l'homme de faire triompher le règne de la liberté. Pour remporter cette suprême victoire, il est entre autres nécessaire que, par-delà leur différenciation naturelle, hommes et femmes affirment sans équivoque leur fraternité. Le deuxième sexe, tome 2. L'expérience vécue. Il y eut une levée de boucliers. J'étais une pauvre fille névrosée, une refoulée, une frustrée, une déshéritée, une virago, une mal baisée, une envieuse, une aigrie bourrée de complexes d'infériorité à l'égard des hommes, à l'égard des femmes. Le ressentiment me rongeait. Jean Guiton écrivit, avec beaucoup de compassion chrétienne, qu'il avait été péniblement affecté par le deuxième sexe parce qu'on y déchiffrait en filigrane ma triste vie. Le livre eut ses défenseurs. Francis Janson, Nadeau, Mounier. Il suscita des débats publics et des conférences, il me valut un considérable courrier. Mal lu, mal compris, il agitait les esprits. Tout compte fait, c'est peut-être de tous mes livres celui qui m'a apporté les plus solides satisfactions. Je passais le mois d'octobre 1951 avec Algren. Avion, train, taxi. J'étais calme en arrivant à la maison de Forest Avenue. Il ne me restait rien à gagner, rien à perdre. Algren allait se remarier avec son ex-femme. Me promenant sur la plage pendant les derniers jours d'octobre, entre les dunes poudrées d'or et les eaux d'un bleu changeant, je pensais que plus jamais je ne le reverrais. Ni la maison, ni le lac, ni ce sable où picoraient les petits échassiers blancs. Et je ne savais ce que je regrettais le plus fort. Un homme, un paysage, ou moi-même. J'arrivais à Paris le jour des morts. Il y avait partout des chrysanthèmes et des gens en noir. À Simone de Beauvoir, un peu garder des sentiments à quelqu'un, mais ne plus accepter qu'il commande et dérange votre vie. Aimer une femme qui ne vous appartient pas, qui fait passer d'autres choses et d'autres gens avant vous, sans qu'il soit question de jamais passer le premier, ce n'est pas acceptable. Je ne regrette aucun des moments que nous avons eus ensemble, mais je souhaite maintenant un autre genre de vie, avec une femme et une maison à moi. La déception que j'ai éprouvée il y a 3 ans, quand j'ai commencé à réaliser que votre vie appartenait à Paris et à Sartre, est vieille maintenant, et s'est émoussée. Ce que j'ai essayé de faire depuis, ça a été de vous reprendre ma vie. Il n'y avait qu'à tirer un trait. Je le tirais. À Nelson Algren, vendredi 9 novembre 1951. Chère bête provinciale de l'île Patterson, grand événement. Comme une femme ne peut vivre sans une passion et que l'amour m'est interdit, j'ai décidé de consacrer mon sale cœur à quelque chose de moins dégoûtant qu'un homme. Je me suis offert une belle petite auto noire. J'y rêvais, je vous l'avais dit. Eh bien, Genet m'a aidé à la trouver. Gallimard m'a donné de l'argent, simple avance bien entendu. Tout s'est accompli très vite. Une auto flambant neuve, assez vaste pour une voiture française, jolie et rapide. Détail idiot, je ne sais pas conduire. Le secrétaire a son permis, Bost a trouvé moyen de l'obtenir en un éclair. Même Sartre a dégoté au fin fond de son passé un papier rose l'autorisant à conduire. Ce qu'il ne fera certes pas, ça non, le veto est unanime. Non, chérie, notre histoire ne s'est pas trop mal terminée. Pardonnez-moi mes larmes. Quand j'ai pleuré, je ne pouvais tout simplement pas m'en empêcher. Mais ces larmes n'étaient pas des armes. On ne ressuscite pas l'amour par des larmes. Pages arrachées à Simone de Beauvoir. Texte choisi par Christine Spianti. 4e épisode. La force des choses. 1. Avec Anne Alvaro, Simone de Beauvoir. Et les voix de Geoffrey Carré, Juliette Roudet. Prise de son, montage, mixage, Olivier Dupré, Cyril Métro. Assistante, Alexandra Malka. Réalisation, Christine Bernard-Sugy. Les textes de Simone de Beauvoir étaient extraits de La force des choses, Gallimard 1963, L'Amérique au jour le jour, Gallimard 1948, Le deuxième sexe, Gallimard 1949, Lettre à Nelson Algren, Un amour transatlantique, Gallimard 1997.